Chapitre 3e, la journée administrative. Année 800. La nuit s'achève. Tous deux encore dans Aix-la-Chapelle, siège du Grand Empire. Charlemagne seul veille, et la flamme vacillante de sa lampe lutte avec les premières lueurs de l'aube. Accoudé sur son chevet, et un exemple d'écriture devant les yeux, il essaie de former ses caractères gothiques, dont l'exécution nette et lisible nous paraît encore aujourd'hui si pleine de difficultés. Mais la plume frêle tremble dans cette main large et rude, et il est longtemps habitué à ne manier qu'une lourde épée et un sceptre de fer. Après quelques instants d'un travail tenace, le grand roi compare ce qu'il vient d'écrire avec son modèle, et indigné de l'énorme différence qu'il voit entre les caractères purement moulés de l'exemple et les monstrueux hiéroglyphes qu'il a tracés, il jette ses tablettes avec colère, et frappant fortement la table du pommeau de sa joyeuse, il se lève. Quelques-uns de ses barons entrent immédiatement. Charles discute avec eux quelques affaires importantes de l'Empire. Ensuite, il prend connaissance des procès en appel devant lui, et tout en achevant ses ablutions et sa toilette, prononce des sentences aussi justes que précises. Il a fini de s'habiller. Son costume se compose d'une chemise de fin lin, de hautes chausses de même étoffe serrées autour des jambes par des bandelettes, de brodequins dorés, attachés par de longues courroies entrecroisées, d'une tunique avec ceinture de soie, et par-dessus la tunique, une cèpe pareille à celle des Slaves vénètes. En hiver, c'est un juste corps de peau de loutre. Charles recouvre ses habits d'un grand manteau bleu de saphir, double à quatre coins, tombant par devant et par derrière jusqu'aux pieds, mais flottant de chaque côté seulement jusqu'aux genoux. Il descend accompagné d'autres grands seigneurs, avec lesquels il monte à cheval. Avant de sortir, il a eu soin de régler l'emploi de sa journée, et il a donné ses ordres à ses ministres. La royale cavalcade traverse rapidement Aix-la-Chapelle, au milieu des acclamations enthousiastes des habitants, et voyez comme le grand roi se distingue entre tous, par sa majesté plus encore que par sa haute taille. « Il est large de carrure, dit la chronique, d'une taille haute et bien prise. Il a le crâne arrondi, les yeux grands et vifs, le nez aquilin. Une belle chevelure brune, le teint coloré. Sa physionomie rayonne de bonté et de franchise, et son port est plein de dignité. Bien qu'il ait le cou gros et court et le ventre proéminent, la juste proportion du reste de ses membres rend ses défauts peu sensibles. Ses mouvements sont mâles et fiers, sa voix est claire et pénétrante. Sa joyeuse pend à son côté. C'est une longue et large épée à deux tranchants. La lame, pour donner plus sûrement la mort aux païens, porte de petites croix en relief. Un triple fourreau l'enveloppe. Le premier en toile cirée blanche et luisante, le second en courroie roulée, le troisième en cuir doré. La garde en est d'or, et le baudrier plaqué de lames d'argent. Cette arme ne quitte jamais le grand roi. La nuit même, comme une fidèle épouse, elle repose à son côté. Son sceau est gravé sur le pommeau, et il dit quelquefois lorsqu'il scelle un ordre « Voilà ma volonté ». Puis, en montrant la lame, « Et voilà qui la fera respecter ». Après sa promenade, il va visiter et encourager les travaux des architectes, et ceux des autres artistes qu'il appelle et retient généreusement près de lui. Il rentre pour dîner. On ne lui sert que quatre plats, outre le rôti, son mets de prédilection. Il ne boit guère que trois coupes de vin, car s'il est simple dans son costume, il est sobre dans ses repas. Cependant, on lui fait à haute voix le récit des belles actions du temps passé, où on lui lit quelques passages de la Cité de Dieu de saint Augustin, son auteur favori. Le dîner achevé, il se rend à l'église et là, en compagnie de ses évêques et barons, il chante au lutrin, dont il est le premier coryphée. Puis, de retour au palais, son académie s'assemble, et l'on se met à disserter sur les beautés des auteurs sacrés et profanes, ainsi que sur les sciences exactes. Le plus illustre de la docte troupe est Alcuin, cet anglo-saxon qui, apprenant de quel accueil le roi des Francs honorait les doctes hommes, s'embarqua et se rendit à la cour de ce prince. Disciple de Bède, Alcuin surpasse de beaucoup les savants contemporains dans la connaissance des Écritures. C'est lui qui aide le plus activement le grand roi dans son œuvre de civilisation. Après Alcuin vient le diacre Pierre de Pise, puis Théodulphe de Gothie, le seigneur franc Engelbert, Adalbard, abbé de Corbie, Riculf, évêque de Mayence, et le jeune Ingingart, secrétaire du roi. Tous ces doctes hommes ont emprunté des pseudonymes à l'Antiquité. L'un a pris celui de Flaccus, l'autre celui d'Homère. Ceux-ci s'intitulent Augustin, Damétas, ceux-là Virgile et Calliopeus. Charles, en témoignage de son enthousiasme pour la poésie sacrée, s'est surnommé David. Avec tous ces hommes, si supérieurs à leur époque, le monarque, plus grand encore que tous, apprend la rhétorique, la dialectique, l'astronomie, la grammaire, les règles de la poésie et de la musique, les langues anciennes et quelques idiomes étrangers. La chronique raconte qu'il composa plusieurs morceaux de poésie latine, bien supérieurs aux vers burlesques et informes du roi Chilpéric. Elle ajoute qu'il calculait la marche et le cours des astres avec une si étonnante sagacité qu'il fit un traité sur les éclipses, les conjonctions des planètes et des aurores boréales. Charles, insatiable de gloire, dit encore un de ses historiens, voyait l'étude des lettres refleurir par tout son royaume, mais il s'affligeait qu'elle n'atteignît pas à la sublimité des anciens pères de l'Église. Dans son chagrin, formant des vœux au-dessus d'un simple mortel, il s'écria « Que n'ai-je onze clercs aussi instruit et aussi profondément versé dans toutes les sciences que saint Jérôme et saint Augustin ?» Le docteur Alcuin, saisi d'indignation à ces paroles, ne put s'empêcher d'éclater et, osant plus que nul n'eût osé en présence du terrible monarque, il répondit d'une voix irritée « Et quoi ? Le Créateur du ciel et de la terre n'a pas fait d'autre homme semblable à ces deux-là, et vous en voudriez une douzaine ?» Maintenant il mande auprès de lui les enfants qu'il a confiés aux soins du Scot Clément, et se fait montrer leurs pièces d'écriture et leurs vers. Il se trouve que les enfants de naissance moyenne et inférieure présentent des ouvrages où se font sentir les plus douces saveurs de la science. Les fils de barons, au contraire, n'ont à produire que d'insipides pauvretés. Le très sage Charles, imitant alors la sagesse du souverain juge, sépare ceux qui ont bien fait d'avec les ignorants, met les premiers à sa droite et leur dit « Je vous loue beaucoup, mes enfants, de vos efforts pour remplir mes intentions et rechercher votre propre bien de toutes vos forces. Maintenant, travaillez pour atteindre la perfection, et je vous donnerai de riches évêchés, de magnifiques abbayes, et vous tiendrez toujours pour gens considérables à mes yeux. » Tournant ensuite un front irrité vers les écoliers à sa gauche, portant la terreur de leur conscience par son regard enflammé, étonnant plus qu'il ne parle, il lance sur eux ses paroles pleines d'ironie. « Quant à vous, noble, vous, enfant des premiers de la nation, beau fils tout gentil et tout avenant, comptant sur le rang dont vous sortez et sur votre patrimoine, vous avez négligé mes ordres et le soin de votre gloire dans vos études. Vous avez mieux aimé vous livrer à la mollesse, au jeu, à la paresse ou à des frivolités. Par le roi des cieux, permis à d'autres de vous admirer, je ne fais, moi, nul cas de votre beauté ni de votre naissance. Sachez et retenez bien que si vous ne vous hâtez de faire oublier par une constante application votre négligence passée, vous n'obtiendrez jamais rien de Charles. » Cela fait, on procède à la réception des ambassadeurs. Le premier qui s'avance est le patrice Léon Spatard, ambassadeur d'Irène, impératrice d'Orient. Craignant que le grand roi ne lui fasse la guerre, l'altière princesse lui envoie offrir sa main, afin de réunir sous une seule couronne les deux vastes empires d'Occident et d'Orient. Charlemagne sourit un instant à ce rêve grandiose, puis, sans croire à la sincérité de cette offre, il répond à Spatard qu'il accepte et le congédie, chargé de riches présents. Ensuite se présente l'envoyé du célèbre Haroun al-Rachid, calife de Bagdad, souverain de la Perse, de l'Arabie, de la Syrie, etc. Il vient de la part de son maître dire au roi des Francs qu'il le place bien au-dessus de tous les potentats de l'univers et qu'il juge Charles le Grand seul digne de l'amitié d'Haroun le Juste, Haroun al-Rachid. En même temps, il lui remet un étendard en signe de cession du Saint-Sépulcre et des autres lieux sanctifiés par la vie et la mort de Jésus-Christ. En outre, il lui offre l'éléphant Abou Labas, des tentes et des tentures de salle, peintes de couleurs variées et d'une merveilleuse beauté, de précieux vêtements, des onguents, du baume, et une telle quantité de parfums qu'il semblait, au dire de la chronique, qu'on eût épuisé l'Orient pour en remplir l'Occident. À tous ces présents est jointe une horloge mécanique en bronze doré, dont le carillon et les personnages mouvants émerveillent toute la cour de Charles. Ne voulant pas se laisser surpasser en générosité par le calife, Charles lui adresse plusieurs officiers avec des chevaux et des mulets d'Espagne, des draps de frise, blancs ou bleu saphir, les plus rares et les plus chers qu'on peut trouver, des chiens remarquables par leur agilité et leur courage, et quantité d'autres présents. Jusqu'à présent, dit l'émir, en se retournant avec ses compagnons, nous n'avions vu que des hommes de terre, mais aujourd'hui, nous venons de voir des hommes d'or. Les ambassadeurs congédiés, l'empereur prend quelques fruits en compagnie de ses enfants et part avec eux pour la chasse. Au retour, il se baigne, puis vient le souper, auquel succèdent de joyeux propos, et là encore, Charles est le roi, et peut-être le roi absolu. Son éloquence était à la fois abondante et nerveuse, dit la chronique. Il discourait avec clarté sur toute chose, en sorte que son extrême facilité d'élocution le rendait peut-être trop grand parleur. Les ombres du soir s'étant épaissies, Charles se rend à son appartement par cette porte et autant de passages. Sans vingt gardes, dit un de ses historiens, veillait toute la nuit dans son appartement. 10 étaient à la tête de son lit, autant aux pieds et de chaque côté, et tous tenaient une épée nue à la main et un flambeau allumé. Toutefois, ce fait ne se retrouve point chez les autres chroniqueurs. Telles étaient les habitudes de Charlemagne, tel il était lui-même, cet homme extraordinaire, qu'on peut regarder à juste titre comme le premier des conquérants fondateurs, supérieur assurément à Alexandre, à Charles Quint, à Napoléon lui-même, qui eux du moins vécurent dans des âges de grandeur et n'eurent qu'à mettre en œuvre les éléments féconds qui abondaient autour d'eux, tandis que Charlemagne, jeté comme une magnifique exception au milieu d'une des époques les plus barbares de l'histoire sociale, eut tout à créer lui-même, armée, administration, science civilisatrice. Couronné empereur d'Occident en l'an 800, après un interrègne de plus de 3 siècles, car le dernier empereur des Romains, Romulus Augustus, avait été déposé en l'an 525, Charlemagne mourut à Aix-la-Chapelle en 844, âgé, dit-on, de plus de 70 ans. Le vaste empire dont sa main robuste avait pu seul soutenir le globe tomba après sa mort des mains du faible Louis le Débonnaire, son fils, et se brisa en morceaux. Et les ténèbres revinrent couvrir le monde qu'avait ébloui durant un demi-siècle l'astre prodigieux du grand roi. Ainsi s'achève 3 journées du règne de Charlemagne par Félix d'Avins.